pronto soccorso. Vous écoutez La Croche-Oreille. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL, la radio qui aime le son. Radio qu'on retrouve à 89.1 au cadran du poste et aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver ce soir. Alors, au programme, j'appellerais ça un coup de chance de tomber sur le dernier album du créateur sonore et musicien Jean de Rome. Un bel album intitulé « La chaleur de la pensée ». Franchement, quel beau titre! Donc, bel album qu'il me fallait accompagner ce soir pour nourrir la prochaine heure d'écoute sonore. C'est la grande finalité de cette émission, après tout, intitulée « La croche-oreille ». On va bien sûr écouter des extraits de cet album de Jean de Rome, mais aussi prendre du temps pour écouter à sa suite des échos sonores qui vont un peu dans la même direction, dans le même sens que de Rome, c'est-à-dire des œuvres d'expérimentation sonore qui sont parfois improvisées, à la fois issues du monde sonore proprement dit, avec ses instruments inventés et issus du monde de la musique qu'on appelle classique, avec ses instrumentations traditionnelles. On va donc lorgner du côté d'un compositeur norvégien qui a pour nom Gunmudur Sten Gunnarsson et poursuivre la quête sonore avec le travail de Werner Durand, des travaux franchement magnifiques que vous verrez. Mais d'abord, Jean de Rome nous propose dans cet album « La chaleur de la pensée » un merveilleux triptyque intitulé « Tombeau de Marin Mersenn ». Marin Mersenn, c'est un moine érudit du 15e siècle, ami de Descartes, semble-t-il, et supporter de Galilée, qui a écrit plusieurs ouvrages scientifiques ainsi qu'un large traité sur la musique intitulé « Harmonie universelle ». Alors, de Rome a inventé depuis Mersenn une suite de danses qu'il nous livre sous les titres de Rigodon, Galope et Tombeau. Tombeau qui est la pièce d'ouverture qu'on écoute sans tarder. Alors, on écoute ça. Thank you. Très belle pièce qui est tirée de ce. C'est le premier volet d'un triptyque intitulé Tombeau de Marin Mersenne. On vient d'entendre la pièce Tombeau. C'est tiré de l'album La chaleur de la pensée. Jean de Rome, quelle belle pièce, merci. Et on poursuit. C'était donc cette première pièce tirée du projet. Projet d'ailleurs, Tombeau de Marin Mersenne, c'est de Rome qui parle que c'est dans la vingtaine qu'il a découvert l'harmonie universelle de Mersenne et qu'il en a photocopié de larges extraits, dit-il, j'ouvre les guillemets, il dit « Ces vieilles photocopies sont restées avec moi pendant presque 40 ans », dit-il, « et je me suis toujours promis de faire quelque chose à partir de ces extraits, particulièrement avec cette section où Mersenne, en précurseur des mathématiques combinatoires, énumère les 720 mélodies que l'on peut créer avec toujours les mêmes 6 notes do, ré, mi, fa, sol, la ». D'autres termes, un maniaque d'alignement de toutes les combinaisons possibles. Je me suis toujours demandé, dit-il, ce que ça pourrait donner comme pièce de musique et je réalise enfin mon rêve avec ce tombeau de Marin Mersenne. Marin Mersenne a incarné parfaitement l'homme de la Renaissance. Alors voilà, je referme les guillemets. On écoute cette fois un enchaînement. Les danses Rigodon et Galop s'étirer de ce beau triptyque intitulé « Tombeau de Marin Mersenne » de Jean de Rome. C'est paru sur l'album « La chaleur de la pensée ». » Quelle belle énergie que ce projet de Jean de Rome intitulé La chaleur de la pensée. Alors, on vient d'entendre un triptyque intitulé Tombeau de Marin Mersenne. Je souligne, entre autres, qu'on retrouvait aux percussions pour ce projet Marie-Josée Simard et au piano Louise Bessette, et que la réalisation de cet album là, a compté sur de très nombreux artistes qui sont, pour certains, pour de très nombreux associés à l'ensemble Super Musique. Alors, vous êtes à l'écoute de La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL depuis nos studios dans Limoilou, ville de Québec. Eh bien, pour accompagner le travail de Jean de Rome, grand expérimentateur et improvisateur des instruments à vent, j'ai trouvé dans le travail du compositeur et artiste allemand Werner Durand des affinités. Je trouvais que c'était un créateur qui proposait des sonorités qui pouvaient accompagner fièrement le travail de Jean de Rome. Artiste et compositeur inspiré notamment par la musique minimaliste et les musiques traditionnelles du monde, Werner Durand construit depuis la fin des années 70, tout de même c'est quelqu'un qui a un bon parcours. Il produit une œuvre qui fait écho aux sonorités tribales du continent africain et du Pacifique. C'est important de le souligner. Il élabore ses propres techniques et ses propres instruments à vent auxquels il ajoute la pratique du saxophone et du nez iranien. On va écouter ensemble quelques pistes d'un album intitulé Schuling in der Luft Erlen, traduit là, par nos traducteurs automatiques, là, colonne d'air oscillante. C'est le troisième volet consacré au pan né, l'instrument avant de sa propre invention. Alors, pour vous mettre dans le bain, on écoute une création intitulée « Still Another Ocean ». Alors, on écoute ça, Werner Durand. Thank you. En le réécoutant ce soir avec vous, je constate que c'est très méditatif, tout en rondeur harmonique, comme un cycle. Très belle proposition de Werner Durand. Et à propos de sa démarche, cette démarche minimaliste du compositeur et instrumentiste Durand, le critique Matthias Osterwold souligne une relative ambivalence dans ce travail, dans ses œuvres. Cette ambivalence immédiatement accessible et pourtant pas facilement compréhensible. Sa position entre improvisation et composition, entre intuition et construction, entre stase et le mouvement, flotte quelque chose littéralement dans l'air. Son charme particulier est obtenu à partir d'un équilibre délicat entre l'archaïque et le moderne, entre transe rituelle et musique industrielle ou ambiante. On va dire qu'on était plutôt dans l'ambiant. Entre performance acoustique et traitement numérique. Bon, actif depuis une cinquantaine d'années, Werner Durand a collaboré avec de nombreux artistes sonores, compositeurs et musiciens, notamment David Beckman, John Driscoll, Sam Bennett, David Moss, Rolf Julius et j'en passe évidemment de nombreux. Alors, on écoute cette fois une création intitulée Pearl Diver, pêcheur de perles. C'est co-composé avec Marika Falk et c'est tiré de ce bel album intitulé, bon, je le dis en français, colonne d'air oscillante. Et c'est une anecdote dans mes correspondances avec Werner. Il me racontait que c'était son anniversaire cette semaine. Alors, il était très heureux de se retrouver sur les ondes de CKRL. Alors, on écoute Werner Durand, Pearl Divers. The Alors, c'était Werner Durand, un très bel album intitulé « Colonne d'air oscillante ». Vous écoutez la Croche-oreille sur les ondes de CKRL le 89.1. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.ca, ainsi que toutes les émissions archivées jusqu'à maintenant pour une écoute ou réécoute quand ça vous tente. Je vous propose ce soir des explorations sonores qui sont un écho ou en écho aux créations du Québécois Jean de Rome, des pièces qu'on a entendues en début d'émission. Jean de Rome, qui est compositeur et improvisateur réputé, qui lançait un album merveilleux, cet album intitulé « La chaleur de la pensée » pour lequel j'ai trouvé des échos sur le plan sonore ou encore sur le plan esthétique. Pour compléter la soirée dans cette veine, je vous propose maintenant les travaux du compositeur et expérimentateur sonore islandais Guðmundur Steinn Gunnarsson, un créateur qui explore le langage musical par le biais de rythmes désordonnés, de notations musicales, nouveaux genres. Vous verrez, c'est assez particulier, c'est minimaliste, c'est terrain, très terrain. Et il fait tout ça à partir d'images animées, de vidéos, partitions graphiques, on dirait, pour utiliser le langage courant. Et pour jouer tout ça, il utilise des objets trouvés, des instruments faits maison ou encore qu'il a transformés. On raconte que les méthodes de Gunnarsson nécessitent des collaborations de développement à long terme avec une poignée de musiciens, dit-on, y compris un ensemble, l'ensemble Fenga Strustur. Donc, des collaborations qui aboutissent à une méthode commune partagée par des individus engagés dans une expérimentation radicale, trouvant à tout moment une excuse pour s'enfoncer plus loin dans des territoires musicaux plus ou moins confortables. Alors, c'est ce que je peux lire dans la documentation. Alors, c'est assez intéressant, c'est très singulier, vous verrez, à l'écoute de cette première création tirée de l'album Symphonia. C'était lancé en 2020, ça s'intitule « Gracieusement ». C'est une traduction, évidemment, d'un terme islandais dont je vous épargne la prononciation. Alors, on écoute ce beau travail de Guðmundur Steinn Gunnarsson. Thank you. Eh bien, à propos de Guðmundur Steinn Gunnarsson, dont on vient d'entendre une composition interprétée par l'ensemble Fenn Gastrotur, eh bien, Il s'agit d'un compositeur, interprète islandais et membre fondateur de Slatur, une organisation artistique expérimentale de Reykjavik. Dans ses compositions, il a développé un langage rythmique irrégulier, vous l'avez constaté, et créé une nouvelle notation musicale à partir d'images animées, partitions graphiques. Pendant le spectacle, dit-on, les musiciens suivent des instructions spécifiques qui se déplacent sur un écran d'ordinateur. Un prolongement des partitions graphiques, j'imagine, et une méthode apparentée à celle du compositeur et improvisateur Frédéric Lebrasseur, qu'on connaît bien aussi pour ce type de direction visuelle, je dirais, de la composition. Cela dit, on poursuit l'écoute d'une autre création de Gunnarsson intitulée « Simple et réfléchi », c'est tiré de l'album « Symphonia ». Thank you. Eh bien, voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Jean de Rome, Werner Durand et Gudmundur Sten Gunnarsson. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres, ainsi que les plateformes Ambiance Magnétique et Hans. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.ca, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute à votre guise. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des sonorités de Gunnarsson, tirées de cet album. Bel album, album assez inattendu, des sonorités très, très minimalistes. Un album intitulé Symphonia. Alors voilà, depuis les studios de CKRL dans Limoilou, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.